3. Les œuvres confidentielles de Restif. À côté des romans à prétention philosophique, viennent sans cesse se placer dans la collection de Restif d'autres romans que nous avons déjà caractérisés, et qui ne sont que des chapitres d'une même confession. On pourrait appeler ces récits les œuvres confidentielles de Restif. C'est à ce groupe qu'appartient le livre appelé « Les mémoires de Monsieur Nicolas », où il raconte sa vie étrange sans détour et sans voile. C'est à ce groupe aussi qu'il faut rattacher quelques parties d'un recueil volumineux de récits et d'esquisses de mœurs, les contemporaines. Les mémoires de Monsieur Nicolas, c'est-à-dire la vie même de l'auteur, offrent à peu près tous les éléments du sujet déjà traités dans Le paysan perverti. L'analyse du roman fera connaître les mémoires. Dans le roman, il s'est représenté lui-même sous le nom d'Edmond, et ses aventures d'Auxerre en forment la première partie. On voit qu'il n'y a pas là de grands frais d'imagination. L'art se montre dans l'agencement des détails et dans la peinture des caractères. Celui de Godet d'Arras est surtout fort saisissant et peut compter comme le prototype de ces personnages sombres qui planent sur une action romanesque et en dirigent fatalement les fils. On a beaucoup abusé depuis de ces héros sataniques et railleurs. Mais Restif a l'avantage d'avoir peint un type véritable, compensé bien tristement par le malheur de l'avoir connu. Avoir ainsi la réalité servir à la fable du drame, on pense à ces groupes que certains statuaires composent avec des figures qui ne sont pas le produit de l'étude ou de l'imagination, mais qui ont été moulées sur nature. D'après ce procédé, nous voyons aussi paraître le type adorable de Madame Parangon, puis en opposition celui de Zéphyr. Il est inutile de répéter toute cette histoire, mais on peut remarquer que Madame Parangon et Godet d'Arras se rencontrent à Paris avec l'auteur, comme son bon et son mauvais génie. C'est cette portion qui constitue en réalité la force et le mérite de ce livre, qui autrement ne serait qu'une ébauche de mémoire personnelle. Godet d'Arras devient le mentor funeste d'Edmond. Il l'entraîne à travers tous les désordres, toutes les corruptions, tous les crimes de la capitale. Et cela sans intérêt, sans haine, et même avec une sorte d'amitié compatissante pour un jeune homme dont la société lui plaît. D'après sa philosophie longuement développée, il faut pour être heureux tout connaître, user de tout, et satisfaire ses passions sans trouble et sans enthousiasme, pour se tarir le cœur progressivement, pour arriver à cette insensibilité contemplative du sage, qui devient sa vraie couronne, et le prépare aux douceurs futures de la mort, son unique récompense. En suivant ce système, Edmond, après avoir mené vie joyeuse, déshonoré sa bienfaitrice, essayé jusqu'au plus honteux raffinement du vice, finit par épouser une vieille de 60 ans, pour avoir sa fortune. Elle meurt au bout de 3 mois, et l'on accuse Godet d'Arras de l'avoir empoisonnée. Cette action ultra-philosophique lui réservait l'échafaud, mais Godet se tue. Edmond est condamné aux galères. Après de longues années de douleurs et de remords, il parvient à s'échapper et retourne dans son village. Il est si changé, si souffrant, que personne ne le reconnaît. Ses parents sont morts de douleur. Il s'en va errer dans le cimetière, cherchant leur tombe. Il y rencontre son frère Pierrot, qui n'a point quitté le village, et qui a mené doucement son existence en cultivant son champ. Il y a là une scène fort touchante et une belle opposition. L'auteur est un peu retombé dans le roman banal, en faisant retrouver ensuite à Edmond sa bienfaitrice, Madame Parangon, qui lui pardonne, le console, et convient même à l'épouser. Mais le jour même du mariage, il est renversé par une voiture qui lui passe sur le corps. On voit que l'auteur ne s'est pas ménagé, en se peignant sous le personnage d'Edmond. Il est certain qu'il a lui-même exagéré les traits du personnage pour le rendre plus saisissant et qu'il ne se jugeait pas digne de la punition qu'il suppose. Toutefois, on reconnaît bien dans Edmond le fond même du caractère qui se trahit dans Monsieur Nicolas, c'est-à-dire une sorte de faiblesse présomptueuse qui infirme singulièrement les prétentions philosophiques du disciple de Godet d'Arras. Jamais Edmond ne peut rencontrer la force morale nécessaire pour résister au malheur ou à l'abjection. Contraint à chaque instant d'avouer sa faiblesse, il ne s'adresse qu'à la pitié, ou à ce sentiment qui lui fait mille fois répéter « J'ai voulu peindre les événements d'une vie naturelle et la laisser à la postérité, comme une anatomie morale. » Il se fait un mérite de sa hardiesse, à tout nommer, à compromettre les autres, à les immoler avec lui, comme lui, à l'utilité publique. Jean-Jacques Rousseau, selon lui, a dit la vérité, mais il a trop écrit en auteur. Il ne se loue que d'avoir tiré de l'oubli et fait vivre éternellement Madame de Varence. Il fait remarquer à ce propos le rapport qui existe entre elle et Madame Parangon, s'applaudissant d'avoir célébré cette dernière et rapporté, sous des noms supposés, ses aventures avec elle dans Le Paysan Perverti, publié en 1775, avant les Confessions de Rousseau. « Ne vous indignez pas contre moi, ajoute-t-il, de ce que je suis homme et faible. C'est par là qu'il faut me louer, car si je n'avais eu que des vertus à vous exposer, où serait l'effort sur moi-même? Mais j'ai eu le courage de me dévêtir devant vous, d'exposer toutes mes faiblesses, toutes mes imperfections, mes turpitudes, pour vous faire comparer vos semblables, à vous-même. On croit, ajoute-t-il, s'instruire par les fables. Eh bien, moi je suis un grand fabuliste, qui instruit les autres à ses dépens. Je suis un animal multiple, quelquefois rusé comme le renard, quelquefois bouché, lent et stupide comme le baudet, souvent fier courageux comme le lion, parfois fugace et avide comme le loup. L'aigle, le bouc ou le lièvre lui fournissent encore des assimilations plus ou moins modestes. Mais quelle est donc cette singulière philosophie qui, sous prétexte de vivre selon la nature, abaisse l'homme au niveau de la brute, ou plutôt ne l'élève qu'à la qualité d'animal multiple? Nous arrivons aux contemporaines, un des ouvrages les plus connus de Restif. Beaucoup de ses premiers romans ont été reproduits dans cette immense collection, qui comprend 42 volumes de 1781 à 1785. Les contemporaines, illustrées de 500 gravures, fort soignées pour la plupart, resteront comme une reproduction curieuse, mais exagérée des costumes et des mœurs, de la fin du XVIIIe siècle. Elles eurent beaucoup de succès, surtout en province et à l'étranger. Ce fut cette compilation énorme, payée à 48 livres la feuille, qui permit à l'auteur de faire graver les 120 figures du paysan paysanne perverti. Comme Dora, il se ruinait à faire illustrer ses œuvres. Le succès de cette collection fit qu'il y ajouta un grand nombre de suites, telles que les françaises, les parisiennes, les provinciales, et jusqu'à une dernière série aux descriptions scabreuses, intitulée « Le Palais Royal ». À cette époque, Agnès Lebègue ne vivait plus avec lui. Retirée à la campagne, elle s'était consacrée à l'éducation de quelques jeunes personnes. Restif charma son isolement par des relations assez suivies avec la fille d'un boulanger, Virginie, qui lui coûta quelque argent et lui causa d'assez grands chagrins, en dépensant avec des étudiants les produits de la vente de ses chefs-d'œuvre. De plus, elle le traitait d'avare et finit par l'abandonner pour un caissier de banque. La seule vengeance de l'auteur fut d'écrire « Le quadragénaire », afin de regagner du moins, avec sa triste aventure, l'argent qu'elle lui avait coûté. Ce titre indique l'âge où commençait la décadence du séducteur, mieux prononcée encore 5 ans plus tard, lorsqu'il eut le malheur de connaître Sarah. La tristesse qu'il éprouva lui donna l'idée de commencer le « hibou » ou « spectateur nocturne », se désignant lui-même sous cet aspect d'oiseau de nuit, que lui donnait de loin cet œil noir et ce nez aquilin qui, gracieux jadis, tournait déjà à la caricature. Ce livre est l'origine des Nuits de Paris. Lorsque Restif composa le nouvel Abélard, il était épris d'une jolie charcutière appelée Mademoiselle Londeau, car il lui fallait toujours un modèle pour chacun de ses ouvrages. On trouve dans ce livre le germe de sa physique. La charcutière, ignorante par état, était curieuse d'astronomie, non moins que la belle marquise, à laquelle Fontenelle adressait ses savants entretiens. De là tout un système cosmogonique à la portée des jolies charcutières. À force de creuser ses idées transmondaines, Restif se vit conduit à écrire « L'homme volant », plaidoyer fort ingénieux en faveur de l'aérostation. La machine qui transporte Victorin dans les airs est décrite avec une scrupuleuse minutie. Il s'est inspiré, là probablement, du voyage de Cyrano, qui prévoyait aussi longtemps à l'avance la découverte de Montgolfier. Enfin, par un ouvrage intitulé « La vie de mon père », qui, sans obtenir le succès matériel du paysan perverti, fit grand honneur à Restif de la Bretonne auprès du public sérieux. Il décrit là, avec simplicité et avec charme, l'existence paisible et les vertus modestes d'un honnête homme, dont il avoue qu'il aurait dû suivre l'exemple. 2 portraits de son père, Edmé Restif, et de sa mère, Barbé Bertraud, illustrent cet ouvrage, où l'auteur manifeste pour la vertu et la pureté des mœurs les regrets que l'ange déchu peut concevoir du paradis. Un livre amer, douloureux, plein de rage et de désespoir, succéda à cette idylle domestique, la malédiction paternelle, livre où se révèle peut-être le triste souvenir de quelques drames de famille, contient l'histoire de Zéphyr, premier échelon de la décadence morale de l'écrivain, la découverte australe et l'andographe, ouvrage philosophique, où l'utopie tient une grande place, se rattache à cette dernière période de la vie littéraire de Restif, pendant laquelle il lui arriva d'écrire 85 volumes en 6 ans. Restif eut le malheur à cette époque de perdre un ami précieux, qui l'avait souvent aidé de sa bourse, et qui, comme censeur, le protégeait dans la publication de ses ouvrages. Cet homme, qui s'appelait Mère Aubert, s'ennuyait de la vie. Résolu à mourir, il eut la bonne idée de paraffer d'avance plusieurs des ouvrages de Restif. Ce dernier vint les retirer et lui conta ses chagrins de ménage et de fortune. En même temps, il enviait le sort de Mère Aubert, jeune, riche et en grand crédit. Que de gens, lui répondit ce dernier, que l'on croit heureux et qui sont au désespoir. Le surlendemain, Restif apprit que son protecteur s'était coupé les veines dans un bain et s'était achevé d'un coup de pistolet. « Me voilà seul, s'écrie Restif dans le drame de la vie, après avoir rapporté cette fin douloureuse. Ô Dieu, comme le sort me poursuit! Cet homme allait me donner une existence. Retombons dans le néant. » Cependant, un autre ami riche, nommé Bultel Dumont, remplaça pour lui Mère Aubert. Restif fut introduit par ce dernier patron dans une sorte de société intermédiaire, où se rencontraient la haute bourgeoisie, la robe, la littérature et quelque peu de la noblesse. Robé, Rivarol, Goldoni, Caraccioli, des acteurs, des artistes, le duc de Gesvres, Préval, Pelletier, de Mortefontaine, tel était le côté brillant de cette société, avide de lecture, de philosophie, de paradoxes, de bons mots et d'anecdotes piquantes. Les salons de Dumont, de Préval et Pelletier s'ouvraient tour à tour à ce public d'intimes. Une des personnes qui produisirent le plus d'impression sur Restif, encore un peu nouveau dans le monde, fut Madame Montalembert, qui l'accueillit avec sympathie. « Que n'ai-je 30 ans de moins ? » s'écria-t-il, et il s'inspira du type de cette aimable femme pour en faire la marquise des Nuits de Paris, sorte de providence occulte qu'il chargeait du sort des malheureux et des souffrants rencontrés dans ses expéditions nocturnes. Vers la même époque, Restif fit la connaissance de Beaumarchais, qui, appréciant son double talent d'écrivain et d'imprimeur, voulut le mettre à la tête de l'imprimerie de Kell, où se faisait la grande édition de Voltaire. Il refusa et s'en repentit plus tard. Une autre maison s'ouvrit encore pour l'écrivain, que signalait alors une célébrité croissante. Ce fut celle de Grimaud de la Reynière, fils, jeune homme spirituel, à l'âme ardente, à la tête un peu faible, qui donnait alors des réunions littéraires de gens choisis tels que Chénier, les Trudaines, Mercier, Fontanès, le comte de Narbonne, le chevalier de Castellane, puis la rive, Saint-Prix, etc. La bizarrerie de l'amphitryon éclatait toujours dans l'ordonnance de ces fêtes. Tout Paris s'occupa de deux grandes fêtes philosophiques que donna la Reynière, dans lesquelles il avait établi des cérémonies selon le goût antique. L'élément moderne était représenté par une abondance extraordinaire de café. Pour être admis, il fallait s'engager à boire 22 demi-tasses au déjeuner. L'après-midi était occupé par des séances d'électricité. On dînait ensuite à une vaste table ronde dans une salle éclairée par 366 lampions. Un héros, vêtu d'un costume de Bayard, précédait la lance à la main les 14 services conduits par la Reynière le lui-même en habit noir. Un cortège de cuisiniers et de pages accompagnait les mets, servis dans d'énormes plats d'argent, et de jolies servantes en costume romain, placées près des convives, leur présentaient de longues chevelures pour y essuyer leurs doigts.